fazes no 21 e 22 de junho? C'est la fête de la musique. Tu y vas? Sim, mas sabes que a Rádio Arc-en-Ciel organiza o grande festival? Rádio Arc-en-Ciel organiza um grande festival, o Festival dos Santos Populares, le 21 e 22 de junho, ao Parque de Lignerolles, a Fleury-les-Aubrais. Tu veux le programme? Sim, quero saber tudo. Ah, attends, je te dis tout. Claro que sim. Samedi 21, grand repas champêtre. Comes e bebes à portuguesa. Le village des restaurateurs sur place pour vous servir. Buvette et stand. Ouverture des festivités à partir de 19h. Avec Os Vombos dos Amigos de Portugal. Suivi du grand DJ Booba. Puis le grand bal animé par le groupe Capa Negra. On dansera jusqu'au petit matin. Vamos dançar até ao romper do dia. Attends, mais c'est pas fini. Le dimanche, on recommence. E no domingo, voltamos novamente. Dimanche 22, rouverture du parc dès 11h. Avec Os Bombos, Os Amigos de Portugal. Puis l'émission de radio en direct du parc. Puis suivi des grands repas champêtres. Com os comes e bebes à portuguesa. Le village des restaurateurs sur place pour vous servir. Buvette et grand stand. Suivi du discours des officiels. O encontro das concertinas com a Ronda Minhota e os Minhotos de La Chapelle. De seguida, vem aí os grandes cantores de Portugal. Nino da Concertina, Eduardo Santana, Cláudia Nayara e os DNA. Clôture des festivités avec Os Bombos, Os Amigos de Portugal. Vamos ter todos lá. On y va tous jusqu'au grand festival de Radio Arc-en-Ciel. Le 21 et 22 juin au Parc de Lignerolles. On compte sur vous. Uma organisation de Radio Arc-en-Ciel. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Inhale. 96.2. La FM en couleur. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Bonjour à tous, il est 13h35, et bien voilà, le retour de l'émission du mardi après-midi. Voilà donc, j'espère que pour vous tout se passe très bien, que vous avez passé très bonne matinée, et puis ainsi très bon début de semaine. Nous sommes ensemble toute l'après-midi, donc bien jusqu'à 17h avec les chansons pour faire plaisir. Juste un instant, on a pu entendre le country, mais au cours de l'émission, on écoutera d'autres morceaux de country. Et bien donc, je vous laisse avec une chanteuse qui s'appelle tout simplement Lila. Et puis juste après elle, on écoutera Lisa Edmonds. Et puis juste après, d'autres chansons différentes. Voilà donc, et bien bonne nuit à tous et à toutes. Bon après-midi avec Nicolas sur... Comme ça tous les matins, je me réveille avec le sourire. Je sens monter l'odeur du bon pain, mais j'hésite encore à sortir. Le doux refrain des oiseaux que j'entends danser sur le toit anime en moi un chant nouveau, mais je voudrais rester sous les draps. C'est le début de la semaine et j'ai pas aimé celle qui est passée. Trop de fracas sur les bras et faut pourtant recommencer. Soudain le cuicui des oiseaux disparaît dans un tourbillon. C'est la lucarne à tuer le cerveau que mon voisin allume à fond. Ils ont pas compris que le matin c'est fait pour traîner. Je veux pas me lever jusqu'à demain, par pitié laissez-moi rêver. Je veux pas me lever jusqu'à demain, par pitié laissez-moi rêver. À quoi ça sert de se lever quand on n'a rien envisagé, à part penser à ces doux rêves qui sont à peine terminés. Je me tourne à droite, je me tourne à gauche, je remonte la couette pour disparaître, jusqu'au moment où j'entends un cri. Assoir chérie, je rentre pas ce lit. Et puis le calme réapparaît, j'ai pas besoin de m'extirper de cette amas de duvet et de soie. Je me sens si bien sous mes draps. Je suis loin de toute réalité, je ferme un œil puis l'autre après. Dans ma tête, un vrai bric-à-brac. Ouvre mes yeux, me voilà insomniaque. Moi, je vous dis que le matin, c'est fait pour traîner. Je veux pas me lever jusqu'à demain, par pitié, laissez-moi rêver. Je veux pas me lever jusqu'à demain, par pitié, laissez-moi rêver. Il faut que je me rende à l'évidence. J'ai bien trop de pain sur la planche. Force de remettre au demain ce que je pourrais faire tous les matins. J'ai plus de place dans ma journée pour ne rien faire que de rêver. C'est décidé dès demain matin. Je pétitionne pour réclamer le droit au repos, organiser la sieste après petit déjeuner, au cours de relaxation après la pause déjeuner, à la recherche approfondie des rêves qui sont restés enfouis, la formation à la détente tout au long de la journée, le droit au repos. Cherche à approfondir des rêves qui sont restés enfouis. La formation à la détente tout au long de la journée. La formation à la détente tout au long de la journée.

France, son bel amour qu'on a ravi. Il tourne, il tourne et il danse, et c'est encore dans la vie, ayant parfois l'arrogance de tournoyer sur les parvis. La FM en couleur. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Car il ne me reste. page. Écrire tant de bandes dessinées. Je laisse fuir quelques orages. Juste parfois trop bien oublié. L'amour autant que le destin nous font emprunter des chemins. On condamne ou confirme au rythme de chagrin sublime. Tout reste à dire, rien n'effacera nos plus jolis souvenirs. La joie d'un jour, l'allégresse de nos émotions. Tant qu'il n'y a rien de plus facile qu'un sourire pour se retrouver dans une chanson. Il reste toujours un monde à parcourir. Tout reste à dire. Prendre le large, mais combien de fois faut-il ne pas tout accepter? Entre les nuages, réussir l'exploit de ne jamais rien regretter. L'amour autant que le destin nous font emprunter des chemins. Que l'existence plate ou déchire, sans jamais, jamais nous mentir. Tout reste à dire, rien n'effacera nos plus jolis souvenirs. La joie d'un jour, l'allégresse de nos émotions. Tant qu'il n'y a rien de plus facile. Le sourire de nous retrouver dans une chanson. Il reste toujours un monde à parcourir. Début novembre, le ciel est rose et bleu lavande. Seul dans la foule de Montréal, je marche, je cours sur Mont-Royal. Les arbres ont perdu leurs habits, les merles bleues ferment leurs nids. Chemin de terre, bonne cadence. Mon amour, tu me manques. C'est fin octobre, début novembre. Ma main te cherche dans sa balance. Un beau dimanche sur Saint-Laurent. Toutes les odeurs sont là tout le temps. Les langues sont un joli bordel. Si loin de la tour de Babel. Moi c'est ta voix que je veux entendre. Mon amour tu me manques. C'est

gens, c'est ma passion, aussi ma raison d'être. Mots font l'émotion que je veux vous transmettre. Parfois, il y a parfois un, dans un rêve éperdu, que personne ne le rend, je le retiens vu. Parfois, diable, parfois, ange. La FM en couleur. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Je vous laisse avec tout simplement et bien Chimène Badi. Et puis juste après elle, avec Détour avec Le Fiestin, avec Franck Marco. Ce qui me fait mourir de tant d'incertitudes. Si j'avais su t'aimer comme on aime ce qu'on cache, comme on voudrait prier pour que rien ne se détache. Si j'avais su t'écrire ce qu'il faut que tu saches, si j'avais seulement vu sur ton visage, j'avais su t'aimer avant de te connaître, avant de t'oublier, j'aurais. Qui a volé leur histoire,

Si on devient aveugle comme l'amour, j'apprendrai à lire en braille. Sur ton corps, chaque mot, chaque jour, tous les détours, tous les détails, tous les contours, toutes les failles. On dessine des aquarelles sur nos cœurs. Voici donc, eh bien, je vous laisse avec un morceau du rock'n'roll, mais avant, tout simplement, voici donc, elle s'appelle Grace Jourdier, et puis juste après, Patricia Carly, et puis juste après, un morceau rock'n'roll. La joie, ce sentiment qui envahit. N'hésite pas, fais ta valise et allons-y, l'ami, au Portugal, et tu découvriras les palais de Sintra, le temple des Fora, Sainte-Trinité à Fatima, le tramway de Lisboa, les églises de Coimbra et les maisons bleues de Prestanova. Mais dans ce pays te disais, oh comme je t'aime. Toi tu riais, oui, mais quand même, toi aussi. Je t'aime, toi tu riais, oui, mais quand même, toi aussi. La FM en couleur.

12 mois, depuis la dernière fois. 12 mois de résolution dans lesquelles je me noie. En fait, je remets tout au lendemain, comme si je m'en battais les reins. Je sais quand j'ai tort, j'assume jamais quand j'ai tort. J'avoue, faudrait moins me plaindre. Quand je suis pas d'accord, je sais pas le dire au fort. Mais faudrait que j'ose. Tout, mais comment croire tout sans moi-même, pas toujours finir deuxième. Il faut que je m'impose, mais j'ai trop la flemme, je préfère être dans la moyenne. Ça te rappelle quelque chose? Dis-moi quoi faire quand ça veut. Je courais tous les matins comme mes ballons, Gloria. Méditer au lever du jour pour le soin de moi. Dormir et ne plus m'angoisser. Finir les séries que j'ai commencées. Plus rien à faire de ce que les gens pensent de moi. Faut que j'arrête de compter les calories que je m'envoie. Si c'est de voir le même film des mille fois. Arrêtez ma ma ma ma ma ma ma ma. Je courais tous les matins comme mes ballons, Gloria. Méditer au lever du jour pour le soin de moi. La FM en couleur. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Un amour comme le nôtre. Il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. C'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. À mon regard, tu vois tout ce que je désire. Pourquoi demander aux autres? Un roman plus merveilleux, un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Pourquoi lis-tu tant de romans, Pierre Benoît ou Paul Morand? Penses-tu trouver dans leurs livres de quoi rêver des nuits, des jours, quand le plus beau roman d'amour, nous sommes en train de le vivre? N'avons-nous pas assez lutté pour vivre ensemble et nous aimer? Ferme les yeux, recueille-toi, car tu sais aussi bien que moi. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres, c'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. À mon regard, tu tu vois tout ce que je désire. Pourquoi demander aux autres un roman plus merveilleux, un amour comme le nôtre? Il n'en existe pas deux. Le jour se lève sur Sing Sing, on ne s'inquiète pas pour le temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau à Sing Sing, on sortira pas pour autant. Vaut mieux laisser au clou la clé des champs, ou sinon ça crache des pruneaux. Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson colle à la peau. Le jour se lève sur Sing Sing, par contre on s'inquiète pour le temps. Le temps qui reste à tirer à Sing Sing, y'a de quoi se faire des cheveux blancs. Il paraît que c'est chouette d'avoir 20 ans, oui mais pas derrière des barreaux. Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson dure un peu trop. Le jour se lève sur Sing Sing, et que c'est le dimanche qu'on attend. On va voir l'orchestre de Sing Sing, il faut dire qu'il swing méchamment. Le dernier batteur avait le rythme dans le sang, sur la chaise il fit trois petits sauts. Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson chauffe un peu trop. Quand la nuit tombe sur Sing Sing, on revoit nos amours dans le temps. On se dit qu'on sortira de Sing Sing quand nos poules n'auront plus de temps. Pense-t-elle encore à nous en ce moment, ou font-elles brûler nos photos? Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson a le cœur gros. Ainsi meurt la chanson de Sing Sing. Jusqu'à demain, évidemment. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Olá, o que fazes no 21 e 22 de junho? C'est la fête de la musique. Tu y vas? Sim, mas sabes que a Rádio Arc-en-Ciel organiza o grande festival? Rádio Arc-en-Ciel organiza um grande festival, o Festival dos Santos Populares, le 21 e 22 de junho, ao Parque de Lignerolles, à Fleury-les-Aubrais. Tu veux le programme? Sim, quero saber tudo. Ah, attends, je te dis tout. Claro que sim. Samedi 21, grand repas champêtre. Comes e bebes à portuguesa. Le village des restaurateurs sur place pour vous servir. Buvette et centre. Ouverture des festivités à partir de 19h. Avec Où je vombe, aux amigos de Portugal. Suivi du grand DJ Booba. Puis le grand bal animé par le groupe Campanel. On dansera jusqu'au petit matin. Vamos dançar até ao romper do dia. Attends, mais c'est pas fini. Le dimanche, on recommence. E no domingo, voltamos novamente. Dimanche 22, rouverture du parc dès 11h. Avec Où je vombe, aux amigos de Portugal. Puis l'émission de radio en direct du parc. Puis suivi des grands repas champêtres. Como os comes e bebes à portuguesa. Le village des restaurateurs sur place pour vous servir. Buvette et grand stand. Suivi du discours des officiels. O encontro das concertinas com a Ronda Minhota e os minutos de la chapelle. De seguida, vêm aí os grandes cantores. Cantores de Portugal, Nino da Concertina, Eduardo Santana, Cláudia Nayara e os DNA. Clôture des festivités avec os bombos, os amigos de Portugal. Vamos ter todos lá. On y va tous jusqu'au grand festival de Radio Arc-en-Ciel. Le 21 et 22 juin au Parc de Lignore. On compte sur vous. Uma organização de Radio Arc-en-Ciel. Sûr avec les chansons et je vous laisse avec une des chansons qu'on connaît un petit peu parce que j'ai passé plusieurs fois avec Nathalie Alia avec son titre Je vis ma vie. Et puis la deuxième chanson, toujours avec la même chanteuse, c'est une nouveauté et son titre s'appelle tout simplement Ce monde-là. Que l'on aimerait écrire, on ne peut rien tracer, tout au plus esquisser. La première page est belle, un baiser premier cri, au creux des bras de celle qui l'on doit la vie. On voudrait en relire les pages où l'on s'aimait, surtout n'en retenir que les si doux secrets dans les marches annotées. Premier mot d'amour ne pouvait que rimer avec le mot toujours. Et on ne peut changer la route qui est tracée. On garde chaque étape à souvenir une marque. Déchirer certaines pages du passé, empreintes de douleur, humides de nos pleurs. Un jour on se réveille et rien n'est plus pareil. On tourne la dernière page. C'est la fin du voyage. Oh, oh, oh. Si l'on ne peut changer la route qui est tracée, on garde chaque étape à souvenir une marque. C'est ma vie, je la vis. Oh, je la vis. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, rien ne s'oublie, rien ne s'efface. Malgré les doutes, malgré les coups, si c'est ma route, si on ne peut changer la route qui est tracée, on garde chaque étape. Si l'on ne peut changer la route qui est un livre que l'on aimerait écrire. 96.2. La FM en couleur. Je prendrai par mes parents pour leur faire part de mes tourments. Vont-ils me croire si je leur dis que leur petite fille a grandi? Ils m'ont toujours bien protégée de leur amour fort et léger. Je suis fébrile, c'est agaçant, mais si fragile quand je me sens sans défense. J'ai dû changer, je le vois bien, dans le regard de mes copains. La chrysalide hésite ton corps, quitter ce cocon, ce confort. Mais l'impatience en même temps donne naissance à mon printemps. Sans défense, devant la fin de mon enfance, un lit rouvert sur l'univers, j'ai peur, je perds. Je vous laisse avec le duo, avec les frangines, et puis juste après eux, le tout simplement compris. Que faut-il que je fasse? J'ai pas tiré le bon numéro. Déjà petite au fond de la classe, on me disait n'en fais pas trop. Y a-t-il un jour où ça passe, où je dois repartir à zéro? Est-ce que le destin ça se casse, où il faut avoir le mojo, où il faut avoir le mojo? Mais dis-moi, dis-moi où es-tu, dis-moi je t'ai cherché partout. Dis-toi j'en suis devenu fou, j'en suis devenu fou. Mais dis-moi, dis-moi où es-tu, dis-moi je t'ai cherché partout. Dis-toi j'en suis devenu fou, j'en suis devenu fou. J'en ai perdu des amis. Pourquoi je suis passé à côté de ma vie parfois, mais un jour ça suffira et tu te jetteras dans mes bras. Dis-lui que je n'ai plus le temps pour ça. Dis-lui que maintenant ça va. Dis-lui que souvent je fais semblant d'aller bien, que rien ne m'attend, rien ne m'attend. Mais dis-moi, dis-moi. Dis-moi où es-tu, dis-moi je t'ai cherché partout. Dis-toi j'en sais, j'en suis devenu fou. shake my head to toe. You asked me why I walked away. There was nothing I could say. The years took more than just my pride. They dimmed the fire I held inside. But every night I say your name and wonder if you feel the same. I never meant to cause you pain. I still remember you in rain. The porch light on, your Sunday dress, your kiss, your smile, I still confess.

Et le titre s'appelle Mon cœur d'amour, et puis d'autres chansons différentes qui la suivent. Ah, te réclame, bébé. Je ne m'en lasserai jamais. C'est comme des bonbons au goût de miel qui m'enivrent à chaque instant, c'est vrai. La senteur de ton parfum me transporte au septième ciel. C'est un enchantement quand tu m'enveloppes de tes bras puissants. Ton corps contre mon corps est un délice. Mon corps contre ton corps est un supplice. Doudou en moi. Forever you and I,

96.2. La FM en couleur. Et donc, je vous laisse avec du rock'n'roll et puis juste après avec Laurent Englebert. Welcome to my world, my friend, where the moon still learns to bend. Coffee's hot at half past three. Laughter dances like a song, and no one's lonely very long. Come on in, feel at home. This heart's a place for folks who roam. There's a seat for Just see.

facile de sourire ou de nous retrouver dans une chanson.

ce que j'ai ôté et rendre au monde ce qu'il m'a donné. Et toi à mes côtés. Stars there. Let's fall in love like we pretend. Underneath the stars above, let me be yours, my Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. We were walking on the beach down in Panama City, where the girls are so pretty and life is just a dream. Down in Miami, they say the same things. I think it's just the heat getting to me. But I'm in paradise with you. Everything is going smooth. You can see it in my eyes. I could spend my whole life with you. In paradise, sun-kissed Florida girls, the finest in the world, heaven on earth, you know they got it first. In the summer of 1955, we were down on Siesta Drive, just glad to be alive. Life was a dream. But I'm in paradise with you. Everything is going smooth. You can see it in my eyes. I could spend my whole life with you. In paradise, sun-kissed Florida girls, the finest in the world, heaven on earth, you know they got it first. In the summer of 1955, we were down on Siesta Drive, just glad to be alive. Life was a dream, but I'm in paradise with you. Everything in my eyes, I could spend my whole life with you. In paradise, in paradise, in paradise. Leave a like for me and subscribe for more. Arc-en-Ciel 96.2, la FM en couleur. Avant de continuer avec les chansons, voici donc la programmation pour ce soir et demain mercredi. Donc ce soir, vous allez retrouver à partir de 19h jusqu'à 21h avec Christophe. Et puis juste après, vous allez retrouver un autre Christophe entre 21h jusqu'à 23h. Et puis donc, vous allez retrouver pour demain matin, mercredi, avec Victor entre 9h jusqu'à midi, et puis entre 14h jusqu'à 16h avec Gloria. Et bien si Violette, que vous allez la retrouver pour le mercredi en soirée entre 18h jusqu'à 19h30. Et puis bien, si vous allez aussi voir, nous avons écouté avec Ernest Giraud le jeudi matin entre 9h midi et puis en soirée entre 18h et 20h avec Chantal. Eh bien, on continue les chansons et je vous laisse avec Elvis Presley et puis juste après, toujours un morceau avec du rock'n'roll. Goes up on swim in my clear, clear water hole. Cindy, we're so in love. The summer of 59. Swim in my clear, clear water hole. Cindy, we're so in love. The summer of 59. Voici donc du rétro pop. He walks like a dream and he talks so smooth. Got a smile so sweet, I can't help but move. He's got that cherry cola kiss, honey on his lips. I get a sugar rush with every swing of his hips. My heart goes bop, bop every time he's near. He whispers my name and I melt when I hear. Sweet as sugar. Candy coated paradise. From head to toe, he's my delight. Sweet baby, gonna treat me right. Ooh, sweet as sugar. Yeah. He's got a jukebox soul and a rhythm so fine. Dances like a record on a 45 line. I told my mama, I told my crew, the sugar sweet boy. Soul and a rhythm so fine, dances like a record on a 45 line. I told my mama, I told my crew, this sugar sweet boy's got me stuck like glue. La FM en couleur. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Et donc, je vous laisse avec Diana. Et puis, juste après, Frédéric François. te perdre dans mes bras. Et surtout ne pense plus à rien quand tu te réveilleras. Ton passé sera déjà bien loin. Viens te perdre dans mes bras. De sortir tout à moi. Cette nuit je reste là. Cette nuit je veux t'aimer. Je suis émerveillé. Tu as su me plaire. Laisse-moi partager ton univers. Te perdre dans mes bras. Je suis venu pour te faire oublier ces jours tristes où quelquefois tu n'avais personne à qui parler. Viens te perdre. Laisse-moi partager ton univers et je saurai comprendre tes yeux d'enfant. Oui, je saurai le rendre le printemps. Viens te perdre dans mes bras. Viens poser tes rêves sur mon cœur. Notre amour triomphera quand nous serons toi et moi seuls avec notre

par mail à rpg.international@orange.fr, par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. A União Portuguesa Social e Desportiva de Orleans festeja os seus 50 anos no dia 7 e 8 de junho no estádio de Lillaroux, em Orleans, com o apresentador Jean-Pierre Martin. No sábado, a partir de 18h30, terá a presença dos artistas Flor e Luís Manuel. No domingo, a partir das 10h30, match amical seguindo da presença dos artistas Fernando Martins, Luís Jorge, Carlos Pires e os bombos, os amigos de Portugal. Comes e bebes no local. Estacionamento disponível no 1 Avenue du Champ de Mars. Para reservar a sua mesa, contacte o 06 65 20 52 41 ou 06 88 42 27 04. A União espera por si no dia 7 e 8 de junho para festejar os seus 50 anos. Anunciamos a mudança de gerência do restaurante Le Tamaris, localizado em 157 Rue de Fossé, em Fleury-les-Aubrais. Toda a equipa está desejosa para vos servir. O restaurante Le Tamaris é o ponto de encontro dos deliciosos pratos do dia. Durante a semana, oferecemos três pratos à escolha: carne, peixe ou frango churrasco. Fim de semana, serviço à carta e takeaway, com especialidades tradicionais portuguesas. O horário durante a semana, das 10 horas às 15, prato do dia. After work, terça a sexta-feira, das 17 às 20. Tábuas, petiscos e merendas. Uma vez por mês, noite temática com animação musical. O Le Tamaris também dispõe de uma sala de recepção para casamentos, aniversários ou seminários. Reserve já, ligue para o 02-38-53-1473. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Restaurant Le Tamaris. Venha visitar-nos no restaurante Le Tamaris, em 157, Rue de Fossé, em Fleury-les-Aubrais. Confia que um dia tudo irá mudar. Confia que há paz para ti, que há paz para mim. Vale a pena confiar, mas vamos confiar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, vista perto do coração. Quatro horas em Portugal Continental e na Madeira, três nos Açores. Terça-feira, 27. Rodrigues Viva, boa tarde. Olá, José Carlos, boa tarde. Começa o programa da tarde, não é pouco. Vamos fazer perguntas e procurar respostas ao longo desta tarde. Vamos agora olhar para o que se passa nas notícias, João Rodrigues. Em particular, temas relacionados com a polémica no Serviço Nacional de Saúde. Nos primeiros três meses do ano, algumas especialidades médicas do Hospital de Santa Maria operaram a maioria dos doentes em horário pago, com incentivos aos profissionais de saúde. São dados que damos a conhecer